De retour d'un chargement de lyrics explosif, récit trop corrosif, hautement nuisible à tous ces prétendants qui jactent. Arrache-toi de là, on a plus le time. 2013, c'est notre attentat, ça fait long time que les frères attendaient ça. On vient récupérer ce qui nous va de droit. J'tape dans la cabeça, cela va de soi. Va te faire taper toi et ton swag. Slalom entre filous qui zigzag. Faux pistons, pas de vécu que des trous de fion sur track. Matraquage incessant, il faut que ça cesse sans cesse opérant. Tapis dans l'ombre, loin de leur mouvement immonde. Le slip baissé pour une diffusion de quelques minutes sur leurs ondes. Inceste, un geste de bon sens. Ravive la flamme de l'underground, combinaison néfaste calem. L'auditeur récupère tous ses sens. Stratagème, industrie en péril. Castré par ses rejetons puérils. Miste sur la technique, télé sans forcément le fond. Le sablier ne cesse de couler, j'en ai le timbre de voix amère. Tous les hommes meurent, mais combien peuvent prétendre vraiment vivre? Voix perdue, c'est mes lames qui fuient, le rap c'est pendu. Vendu, clashé par leur vie et trop attendu. Voix perdue parmi tant d'autres tapis dans l'ombre. Opérant dans l'ombre de Gwand, on envoie un crash sur leurs rangs. Voix perdue, c'est mes lames qui fuient, le rap c'est pendu. Vendu, clashé par leur vie et trop attendu. Voix perdue parmi tant d'autres tapis dans l'ombre. Opérant dans l'ombre de Gwand, on envoie un crash sur leurs rangs. Puisqu'il faut ouvrir la bouche mais pas pour manger, je préfère rester sur la touche et les voir se sucer. Je reste un mec vrai, ne parle pas de musique, ça reste la mienne. Depuis que ta mère te change les couches, je veux pas exceller pour pas vous faire de peine. Entrez par aucune porte, pas besoin d'escorte. Les murs défoncés par ma tête, grandi depuis que j'ai lâché des potes. Cramé et même crié, je veux pas rester. C'est vrai, vous faites pitié, laissez-moi m'isoler, j'suis pas prêt. Je me sentirai tranquille qu'une fois leur artère tranchée par ma plume. Fier d'avancer mes lacunes, j'ai pas de souffle, je connais pas mes textes, je les laisse accrocher sur la lune. Neil Armstrong. Pas de classe, pas d'argument, clatchat. Balance mon terraquette, le rap c'est pas une partie de ping-pong. J'aiguise mes faces brutes sur une prod vraie. Va calculer les mesures de ton album sur les sons à Dr. Dre. Voix perdue, c'est mes lames qui fuient, le rap c'est pendu. Vendu, clashé par leur vie et trop attendu. Voix perdue parmi tant d'autres tapis dans l'ombre. Opérant dans l'ombre de Gwand, on envoie un crash sur leurs rangs. Voix perdue, c'est mes lames qui fuient, le rap c'est pendu. Vendu, clashé par leur vie et trop attendu. Voix perdue parmi tant d'autres tapis dans l'ombre. Opérant dans l'ombre de Gwand, on envoie un crash sur leurs rangs. Dealer, ça aide. Que le temps nous est compté. Je veux pas qu'on se perde à imiter les autres, ici c'est complet. Boycotté, censuré, à croire que l'on est trop vrai. Radio formatée, l'auditeur se fait berner. Berner, à gratter le fond de la cul, je me sens écarté. Mais tartelé, mon image n'est pas la leur encadrée. Soldat sans gloire, le poing levé, toujours épris de liberté. Les nerfs à vif, le poids de la rue, la rage des frères sans plaie. Perdu dans le blizzard, tout un art les démasqué. Assoiffé par la réussite, on se parle à critiquer les autres. J'ai pas la carrure vers un peur, j'ai leur tête en ligne de mire. Pardon. Entubé par leur vice, va-t'en. Va-t'en, trompe-l'hit commercial, enivrant. Pas le temps, stéréotypé, ghetto. Je veux vivre ma musique pleinement. Je veux pas imiter leur game bêtement. Mes battements, ne respire pas leur ironie néfaste. J'ai pas le temps. Mon frère, j'ai pas le temps. Voix perdue, c'est mes lames qui fuient, le rap c'est pendu. Vendu, clashé par leur vie et trop attendu. Voix perdue parmi tant d'autres tapis dans l'ombre. Opérant dans l'ombre de Gwand, on envoie un crash sur leurs rangs. Voix perdue, c'est mes lames qui fuient, le rap c'est pendu. Vendu, clashé par leur vie et trop attendu. Voix perdue parmi tant d'autres tapis dans l'ombre. Opérant dans l'ombre de Gwand, on envoie un crash sur leurs rangs.